Jean Giono, Le poids du ciel. Chapitre 1er, Danse des âmes modernes. Les âmes à forme de soldats cachant sous des emplâtres de galons, en sparadrap doré des plaies de plus en plus puantes, imitant le chêne sur leur front et le laurier sur leur poitrine décharnée. Alignés sur de grands champs de manœuvre stériles, en rang, comme des poireaux, des oignons, des choux, des légumes pour la soupe. Par rang, par quatre, par huit, par douze, par longue file se pliant autour de la jointure du chef de file, portant des fusils, traînant des canons cachés sous des masques de cochon, avec des groins de fer plat, grillagés et pleins de sable. Entassés sur les plages des continents, dans les plaines, les montagnes, les collines, couvrant les labours, les prairies, les guérets, les landes et tout l'arable, embarrassant les socs de charrues comme du chien-dent, vêtus de rouge, de noir, de brun, de bleu, portant des plumes de coq dans le cul, des étoiles rouges sur leurs casquettes de chartier à oreillères, se placardant des croix en ailes de moulin sur leurs chemises brunes, s'éventant d'étendards, de torches, de cavalcades, de parades, de saluts mutuels, piétinant la patrie de marche, de contre-marche, d'avance, de recul, habitant des boîtes à musique pleines de clairons, de mécanismes d'horlogerie, de lois à retardement, inutiles parfaits, préparant leur utilité, mangeant à la pointe du sabre le plus clair, le plus beau, le plus pur de l'humain. Produit de l'usine plus sûrement que tous les autres objets manufacturés, seul produit de l'usine en fin de compte. Casernes entassées près des usines, ouvriers fabriquant des soldats. Chaque fois que l'ouvrier rive le boulon d'une machine, il crée un soldat de plus. Il écrit un mot de la fiche de mobilisation. Il pousse le fascicule un peu plus près de la main du gendarme. Travaille des marteaux pilons, des ponts volants, des bennes, des scies, des aciéries, ronflements, grondements des babelles de cheminée et de tous ces chapeaux tromblons qui vomissent des fumées noires dans le silence humain qui effraie la matière du monde. Composition des motifs, des besoins, des lois et des ordres de guerre. Tout le monde a les meilleurs mots à la bouche. Tout le monde sait par cœur les traités de morale. Les soldats sont toujours défensifs. On leur a créé des obligations de noblesse et d'honneur. Ils ne se promènent que pour vous défendre, prolétaires, bourgeois de race, commerçants romains. Mais dès que le dernier boulon est rivé à la dernière machine, dès que l'usine étouffe sous cette dernière machine, on fait la razzia des paysans. On les dénude, on les habille de rouge, de brun, de noir, de bleu, on les attelle au canon. On leur charge les mains de grenades, on les enduit soigneusement, eux, les rues, les villes, les champs, tout, avec la sanie des armes à forme de poètes officiels. On leur corne des Marseillaises internationalisées et on les pousse comme des épinards sous le hachoir. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. L'ouvrier est d'abord terrifié, il quitte son marteau, mais jamais il n'a été si nécessaire à l'usine. Il reprend son marteau, il recommence à frapper sur ses boulons. Le bruit de sa métallurgie lui cache le bruit du canon. Il reste là, il ne bouge pas. On le paye un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, à mesure qu'on saigne les champs, qu'on accouche les paysannes au couteau, comme des bourses d'or, pour en avoir plus vite les enfants. La danse. Cette guerre d'usines et de casernes toujours allumées dans quelques coins, la seule chose à laquelle se prépare sérieusement le monde moderne. Le chef, le dictateur, l'élu, le guide, l'homme d'acier, le voilà. Ô doux putride, ô magnifique puant, ô suave, laisse-moi lécher tes pus et tes furoncles, saute sur moi, foule-moi, enlace-moi que je sente autour de mon cou me serrer avec ce magnifique amour moderne, tes cuisses décharnées d'où la chair s'arrache suavement pourrie. Sur ma bouche, le froid de tes os plus aimable que la fraîcheur des bras de femme. Prends-moi, prends mes enfants. C'était Le poids du ciel de Jean Giono, lu par Denis Podalydès de la Comédie-Française.